217. Activation, dictation. Listen and write the missing words in the following sentences. 1. Bonjour. Ça va? Ça va. Deux. Tiens. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Trois. Nous allons apprendre le français.